les nuits de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Des courtes bandes au long métrage, un artiste arrivé un peu par hasard au cinéma, Louis Feuillade. Un homme très cultivé qui fut aussi chroniqueur taurin. Il racontait, il célébrait sans doute les corridas. Il avait fondé un hebdomadaire satirique, La Tomate, un organe contre la loi de séparation de l'Église et de l'État. Mais il fut surtout connu pour ses films comme metteur en scène de Fantomas, et puis des vampires, et puis de Judex. Mais il tourna aussi des films comiques, la série des bébés. De temps en temps, passait une inquiétude dans l'œil de Feuillade, maître du cinéma populaire. Feuillade, qui était le sujet d'étude de Michel Simon le 18 mars 2006 dans Projection Privée. Projection Privée. Bonsoir, nous recevons aujourd'hui au Salon du Livre Alain Masson et Patrice Gauthier pour parler de Louis Feuillade à l'occasion d'une part d'une rétrospective qui s'achève demain à la Cinémathèque française avec une projection des deux gamines qui est un feuilleton mélodrame dont on parlera et puis d'autre part d'un ouvrage de Patrice Gauthier avec Francis Lacassin, Louis Feuillade, maître du cinéma populaire dans la collection Découverte de chez Gallimard. On annonce aussi très prochainement chez Gaumont un quadruple DVD des vampires de Feuillade. Et Alain Masson, qui est un de ceux qui a écrit sur Feuillade, qui suit la rétrospective et qui avait participé à un très beau numéro de la revue 1895 de l'Association des historiens du cinéma consacré à Louis Feuillade il y a 5-6 ans. Voilà, numéro d'ailleurs qu'on peut encore se procurer dans les bonnes librairies, comme l'on dit. Alors, Feuillade entre dans la collection Découverte. C'est tout de même une consécration, parce que il n'y a pas beaucoup d'auteurs de cinéma dans cette collection. Il y a Fritz Lang, il y a Renoir, il y a Truffaut, mais il y en a très peu. Donc, je crois que c'est mérité, parce que Feuillade est très aimé des cinéphiles, en tout cas d'un grand nombre de cinéphiles, mais il n'est pas encore vraiment reconnu comme le grand cinéaste qu'il a été. D'ailleurs, on parlera aussi de sa fortune critique, les différentes époques, comment ses contemporains l'ont jugé, puis ensuite les surréalistes. Enfin, on va parler de tout cela. Mais Louis Feuillade, c'est aussi un homme qui a joué un rôle très important dans la production française, car il a été associé à la Gaumont. Et à travers lui, vous en parlez dans votre livre, Patrice Gauthier, on voit la façon dont se produit le cinéma dans les premiers temps. Et on passe d'une certaine façon d'un travail artisanal, de cinéma des forains, à un cinéma industriel dont Feuillade fait partie. Un peu comme Griffith, peut-être, aux États-Unis, qui commence en 1908 aussi par des courtes bandes et qui va faire des longs métrages, à peu près à la même époque d'ailleurs que Feuillade. Patrice Gauthier. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que justement, c'est un artiste qui est à la charnière d'une mutation, en gros, de l'histoire de l'art, d'ailleurs en général. Hein, ce sont les années très importantes de l'histoire de l'art qui précède la guerre de 14 dans le domaine de la peinture, de la littérature. Mais Feuillade, c'est un peu accidentellement qu'il arrive au cinéma. Et c'est ça aussi qui est quand même amusant, c'est qu'un de ses amis a été engagé chez Pathé. Il trouve qu'il gagne plus d'argent que lui, qui est dans la presse. C'est-à-dire l'autre gagne par semaine ce que lui gagne en un mois. Et il arrive et Il tombe sur Alice Guy, et ils s'entendent visiblement extrêmement bien tous les deux. Et Alice Guy était la secrétaire de Gaumont, et un jour, quand Gaumont ils ont commercialisé l'appareil de Demny, un appareil qui suit d'un an celui de Lumière, Sa secrétaire, Alice Guy, lui dit que, elle, plutôt que tourner des vues d'actualité, enfin, on ne disait pas d'actualité à l'époque, prise sur le vif, elle pourrait faire des petits scénarios. Et il se trouve qu'elle a donc, elle est la première femme de l'histoire du cinéma. Elle est strictement contemporaine de Méliès. Elle a été, bien sûr, oubliée pour des tas de raisons. Et c'est Lacassin, qui n'est pas là aujourd'hui, là, qui l'a un peu redécouverte. Et il y a une rencontre vraiment profonde, c'est-à-dire qu'ils aiment les mêmes choses. Alors que beaucoup de gens étaient, on le dit beaucoup, on insiste beaucoup sur cette tradition foraine où il y avait une absence, chez Pathé, semble-t-il, il y avait une grande inculture qui faisait qu'un cinéaste à qui... on disait qu'il confondait, je crois, Louis XIII et Louis XIV. Alors, comme un louis, c'était une pièce de 20 francs, il avait dit, on n'est pas un ou deux louis près. Et voilà. Et tandis qu'Alice Guy aime la musique, aime la littérature, et c'est le cas de Feuillade. Donc, il y a une rencontre. Alors, Alain Masson, comment on peut situer ce personnage? Parce que d'abord, il est né en 1873, donc il commence à faire des films, il a plus de 30 ans. Et c'est un personnage du Midi, c'est un homme du Midi, c'est important, c'est un conservateur. D'ailleurs, Lacassin et Gautier disent très bien dans le livre qu'il avait mis de l'ordre dans sa vie et du désordre dans son art. Oui. Mais il avait bien d'autres passions. Enfin, c'était un homme qui avait en particulier des chroniques taurines. Oui, c'est un homme d'abord très cultivé, qui a reçu une formation classique qui, à l'époque, est très importante, très considérable par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc, il a une grande culture littéraire. Il vient à Paris comme un personnage de Balzac pour réussir. Il monte à Paris comme marchand de vin, comme poète, comme journaliste. Il écrit des poèmes généralement médiocre, mais c'est un homme qui a beaucoup lu, je pense, les poètes du 19e siècle, en particulier Hugo, il y a beaucoup de... Et qui continue à la fois la grande littérature et la littérature très populaire du 19e siècle. Et c'est ce qui rend la rencontre dont parlait Patrice Gostier à l'instant tout à fait passionnante, c'est qu'on a un homme du 19e siècle, du passé, qui n'est plus un jeune homme, qui se trouve confronté à un moyen artistique ultra-moderne. Et donc, ça produit, évidemment, un choc extrêmement intéressant, parce qu'auparavant, en dehors de Méliès, la plupart des cinéastes étaient des gens issus de milieux populaires, et toute une la réussite de Feuillade, c'est en grande partie, et c'est une réussite originale, d'avoir installé les rêves du 19e siècle dans ce moyen moderne de communication. On a parlé de ça. Une chose, moi, il y a une chose qui me laisse un peu une grande curiosité, c'est le côté pictural de Feuillade. Je me demande quel peintre connaissait Feuillade, s'il fréquentait des peintres. Alors, Patrice Gautier, c'est aussi un homme qui, au début, il a été un journaliste polémique. Il a dirigé La Tomate, un journal satirique. Il a créé une bande, la bande des vieux poils, qui étaient des partisans du calembour et de la gaudriole. Donc, c'est pas tellement l'image qu'on se fait de Feuillade. C'est un homme plein de vitalité, de bonne humeur. C'est double. Son père est commissionnaire en vin. Il vit à Lunel. Il a des frères et des sœurs. Il est le cinquième d'une famille. Et il y a visiblement une bonne humeur, une grande liberté qui règne. Et puis, par ailleurs, comme il faut qu'il étudie, il va dans des écoles religieuses, école communale, pas communale, puisque c'est une école privée, mais ensuite le collège, ensuite les pères lazaristes, où il passe donc le baccalauréat, ès-lettres classiques. Et il est donc un peu canalisé par tout ce qu'il y a en lui d'exubérant, et quand même canalisé, y compris du point de vue des idées, du domaine des idées. Et toute sa vie, ça sera double. C'est-à-dire que il continue à aimer ça. On parlait tout à l'heure de la tauromachie. Il aime tout ce qui est populaire, ce qui est vivant. Il aime les chansonniers parce qu'il est très engagé. Quand on dit la tomate, c'est un organe qui est contre la, très violemment contre la loi de séparation des Églises et de l'État. Il est donc, ce qu'on peut dire, être réactionnaire dans la terminologie de l'époque. Et le, donc, voilà, il est à la fois quelqu'un d'idées extrêmement fermé, mais en même temps, il aime profondément la vie. Et tout ça se traduit. Quand vous parliez tout à l'heure des peintres qu'il aimait, ce sont des peintres... Il aime les peintres de... qu'on a appelé longtemps pompiers, qui maintenant sont redécouverts, dont le plus connu, qui n'est pas bon, est Gustave Moreau, qui va inspirer son Prométhée. Enfin bon, on peut pas entrer dans les détails de tout ça. Il aime beaucoup cette peinture traditionnelle, et on peut pas dire que, du moins au début, qu'il connaisse ce qui se fait de nouveau dans ces années 8 ou 10. Quoi. Alors, Alain Masson, ce qui est frappant, c'est que pour les cinéphiles qui connaissent Feuillade, c'est avant tout l'homme des grands feuilletons, des grands sérioles, comme on dit, Judex, Fantomas, Les Vampires, même Timine, Barabbas. C'est pour cela qu'on se souvient de lui. Mais en fait, sa production est beaucoup plus variée qu'on ne croit. Il y a même des séries chez lui. Il y a des séries de films comiques. Il y a les films esthétiques, il y a la série La Vie Drôle, il y a même des séries aussi sur la presque réaliste sur la vie quotidienne. D'ailleurs, la Cinémathèque française, en montrant tous ces films, permet de découvrir des films. Quand il fait par exemple Le Thé chez la concierge ou L'Homme aimanté, c'est plutôt la filiation de Méliès. Oui, l'intérêt de la rétrospective menée à la Cinémathèque, c'est incontestablement de nous montrer beaucoup la très grande diversité de l'œuvre de Lumière. Il y a un génie de Lumière, de Feuillade. L'absus serait peut-être révélateur. Il y a un génie comique incontestable chez Feuillade. Le thé chez la concierge, enfin, c'est, il y a à côté presque les chaises de Ionesco, les gens s'engouffrent chez la concierge, chez les concierges plutôt, et qui ont fermé la porte. Alors, il y a accumulation et à l'intérieur et à l'extérieur de gens qui... Et les aspects qu'ont aimés les surréalistes interviennent aussi dans les films comiques de Feuillade. Quand on voit dans Bébé vole un éléphant qui pousse une voiture d'infirme à travers les rues de Paris, voiture d'infirme dans laquelle est installé le jeune bébé. C'est vraiment la rencontre de la machine à coudre et du parapluie sur une table de dissection. Et donc, parce que ce qui est intéressant avec le comique de Feuillade, c'est qu'au fond, faire rire n'est peut-être qu'une étape chez lui dans la direction d'une inquiétude. Il y a quelque chose, on passe du comique au fantastique d'une manière très subtile et très inventive, me semble-t-il, tout à fait unique. D'ailleurs, les surréalistes aimaient beaucoup Ionesco. Ben oui. Alors, Patrice Gauthier, il y a une phrase en exergue de votre livre écrit avec Francis Lagassin dans la collection Découverte, Louis Feuillade, maître du cinéma populaire. Cette phrase est de Feuillade en exergue, c'est « Mon domaine est celui où rien n'est impossible, où l'on fait arriver tout ce qui vous passe par l'esprit ». Alors évidemment, là, ça fait référence, Alain Masson vient de le dire, ça pourrait faire référence, et ça fait référence aux comiques, mais ça fait référence à tout de même ces grands feuilletons, Fantomas, et surtout les vampires, dont je parlais tout à l'heure, puis ensuite Judex et Timine et Barabbas, qui sont tout de même une contribution majeure alors, à l'histoire du cinéma, et qui vont enfanter beaucoup de films qui vont enfanter, en particulier les films de Fritz Lang, les premiers films, les Mabuse, les Araignées. Bon, alors, quelle est la caractéristique de ces films? D'abord, il y a le tournage, peut-être, en décor réel. C'est-à-dire, c'est le Paris qui est filmé. Cette exposition, en ce moment, à l'Hôtel de Ville, Paris au cinéma, où Feuillade, évidemment, joue un rôle, parce que c'est peut-être le premier poète de Paris. D'abord, il est poète. J'entends... je trouve qu'on méprise un tout petit peu trop sa poésie. C'est pas un grand poète, mais l'édition complète de ce qui a été retrouvé de ses poèmes par Bernard Bastide et montre quelqu'un qui aime la poésie, la pratique assez bien, et y introduit d'ailleurs des notions d'humour qui vont être les cartes, les intertitres qu'il fallait. le cinéma muet et était, on le sait, coupé par des intertitres. Ils sont tous de sa main. Et de temps en temps, quand il a envie, il écrit en vers. C'est-à-dire qu'il est écrivain. Il a un double regard. Alors évidemment, il y a son... On peut dire qu'il n'est pas le seul. Hein. Mais enfin, il met le cinéma dans la rue. Et justement, bon, dans L'homme aimanté, c'est assez extraordinaire, où tous les objets... Bon, il a une cuirasse pour se protéger des voyous, des apaches, et il reçoit absolument tout. Les becs de gaz se retournent, les trucages sont faits en disque. Ça se termine par une séquence d'une obscénité rare. Gaumont était pudibond, mais Feuillade avait été sous-officier dans la cavalerie, maréchal des logis, et... Si Gaumont n'y avait pas veillé, je pense qu'il y aurait eu infiniment plus de choses triviales. Il y a tout ce mélange. Puis de temps en temps, si vous parliez tout à l'heure de cette inquiétude, c'est vrai que passe une inquiétude. Et cette inquiétude, enfin, on pourra y revenir, sans inquiétude, est pas mal liée à la façon dont il reçoit la guerre de 14. Alain Masson, donc l'importance des vampires, de Judex, de Fantômas, c'est comment la voyez-vous? Le choix des lieux, la direction d'acteurs, quelles sont, disons, les caractéristiques de l'art de Feuillade qui font qu'il continue à être très moderne? Oui, alors d'abord, je crois que c'est le choix des lieux. Il y a vraiment un génie de Feuillade pour choisir des lieux. Il faut dire probablement que la poésie de Paris vue par Feuillade est probablement une chose à laquelle nous sommes plus sensibles que ne l'étaient ses contemporains. Parce que c'est Paris sans le cancer automobile. Il y a de larges avenues, des perspectives extrêmement profondes. Il n'y a jamais chez Feuillade un passant en trop. C'est toujours des paysages quasi désertiques. Enfin, donc, dès qu'il y a une voiture chez Feuillade, ces magnifiques voitures 1900, ça devient effectivement à la fois fantastique et poétique. Il y a cela. Et puis, alors, il y a beaucoup de jeux narratifs liés, effectivement, à la direction d'acteurs. Par exemple, Feuillade s'amuse beaucoup. C'est une chose qui revient fréquemment chez lui, à faire raconter par un enfant, par quelqu'un de pas très malin, un épisode qu'on a vu précédemment. C'est un procédé qui a été utilisé à fond par Alexandre Dumas, notamment dans Le Vicomte de Bragelonne, où il y a environ 12 fois le même récit d'un événement qui se passe dans le jardin. Bon. Et Feuillade fait la même chose. Et on a de véritables dialogues gestuels chez Feuillade, mais à condition que, au fond, le sujet et des échanges soient connus d'abord, de sorte que le geste devient une espèce d'ornement qui fait sourire le public et qui lui donne l'impression d'entrer dans le film. On peut ajouter à cela un véritable sens de la mise en scène. Nous parlions tout à l'heure en coulisses d'un plan extraordinaire où, par exemple, on a sur la droite de l'écran, au tiers gauche de l'écran, on a les gens qui sont en train de surveiller une prisonnière qui est en train de s'évader en décellant un carreau, en enlevant le mastic, dans l'autre partie de l'écran. Une des parties est lumineuse, l'autre est sombre, et c'est la partie où il se passe quelque chose qui est sombre. Il y a là des trouvailles de totalisation de l'événement dans le cadre qui sont de la très grande mise en scène, de la mise en scène très moderne. Vous parliez de Griffiths tout à l'heure. Il me semble que leur travail a été presque complémentaire dans la mesure, sans qu'ils le sachent, bien entendu, dans la mesure où ce que travaillait Griffiths, c'est tout de même beaucoup les articulations entre les plans. Alors que ce que travaille Feuillade, c'est à l'intérieur du plan. C'est donner au plan, au cadre, son maximum d'efficacité et de pouvoir narratif. Alors Feuillade, d'ailleurs c'est le titre de votre livre, « Maître du cinéma populaire », Feuillade était d'abord à la tête de la direction artistique de la Gaumont. Il a remplacé Alice Guy. C'est un homme donc, qui avait des grands pouvoirs, qui était peut-être le metteur en scène numéro un. Et à l'époque, c'était tout de même l'argent qui rentrait dans les caisses qui faisait la grandeur des cinéastes. Il n'avait pas encore l'idée du cinéma maudit. Mais Feuillade remplit le Gaumont Palace, 3400 places. On y projette ses films, le Gaumont Palace qui vient d'être créé en 1911. Mais en même temps, il ne va pas être bien vu par la critique qui sera la future première vague, par opposition à la nouvelle vague, parce qu'on oublie que la première vague du cinéma français d'auteur, c'était des anciens critiques, aussi bien Louis Deluc que Germaine Dulac que Marcel Lherbier, qui vont être, la, disons, au début des années 20, qui vont instaurer un cinéma d'auteur 30 ans avant la nouvelle vague, 40 ans avant la nouvelle vague. Feuillade est mal vu par ces cinéastes. Alors, c'est double, parce que, disons que il est énormément aimé de la presse professionnelle, parce que la critique apparaît à un moment, bon, apparaît la vraie critique, si on peut dire. Oui, la première critique. Oui. Apparaît dans les années 20, ce qui est en effet la fin de Feuillade. Mais autrement, la presse professionnelle, il est reconnu, il est aimé, et il est aimé par des gens qui sont ce qu'on pourrait appeler l'élite. Apollinaire va voir les films de Les Fantômas. Oui, mais c'était pas un futur cinéaste. Je parle de la critique, disons, oui, intellectuelle, la critique qu'on pourrait appeler aujourd'hui. Oui. Alors, la critique cinéphile, disons. Alors, oui, mais disons que c'est Deluc, par exemple, aime bien ce que fait Feuillade. Puis à un moment, il trouve que c'est trop. C'est au moment des Judex. Il était réformé, il était très jeune, et il a eu cette formule tout à fait extraordinaire. Judex et la nouvelle aventure de Judex sont des crimes plus graves que ceux qui sont condamnés, commis par les tribunaux militaires. Enfin, bon, écrire ça en 17, c'est d'une insolence. Mais ce sont des gens, quand même, Deluc et d'autres, étaient des gens qui avaient aimé Feuillade. C'est un peu comme Truffaut qui exécute René Clair et Clouseau avant de leur... Il y a aussi une question de génération. Oui. Mais Alain Masson, alors justement, arrive après cela, presque simultanément, les surréalistes, qui, alors, Aragon, Breton, Desnos, Éluard, qui, eux, vont, au contraire, découvrir une poésie chez Feuillade qui correspond à leur goût profond. Oui, certainement. C'est-à-dire que c'est un peu une bataille à front retourné, parce que, au fond... ce que pensent les surréalistes, c'est que Deluc, Germaine Dulac, je ne répéterai pas le mot d'Artaud sur Germaine Dulac, sont des gens qui ont une idée littéraire du cinéma. Alors, comme les surréalistes, tout en étant des écrivains, ce dont ils se défendent, haïssent la littérature, l'avouent hégémonie, du coup... Feuillade, mais aussi Louis Gasnier, hein, avec Perle Vite, comme on disait à l'époque, Pearl White, ce qui ravissait Aragon, paraît-il. Donc ces gens-là sont préparés à aimer quelque chose que les intellectuels inférieurs, si j'ose dire, à leurs yeux, n'aiment pas. Et donc ils découvrent aussi parce que, sous le choc de la guerre de 14, les idéaux littéraires traditionnels, les idéaux humanistes, la littérature instructive, ont été ridiculisés, bafoués, traînés dans le sang et dans la boue. Et donc, ceci, Feuillade et quelques autres, ça paraît absolument nouveau, et c'est l'espoir pour eux d'un véritable renouvellement des arts. Mais en même temps, il y a certainement une sympathie plus profonde, plus réelle, fondée sur, au fond, tout de même, l'héritage romantique et symboliste, à mon sens, commun aux surréalistes et à Feuillade, quoi qu'il en ait. On disait tout à l'heure, vous savez, il y a quelque chose de très curieux, Feuillade, sa double personnalité, au fond, il est réactionnaire dans sa vie, mais pas dans ses films, où ça apparaît ça apparaît beaucoup moins, disons, que dans ses journaux, à mon sens. Patrice Gauthier, est-ce qu'on ne peut pas dire que aussi c'est à travers la femme que les surréalistes retrouvent Feuillade, c'est-à-dire la femme, c'est-à-dire l'actrice, par exemple, Musidora, qui va apparaître dans Les Vampires, qui d'ailleurs, sous le nom, elle joue Irma Vep, qui est l'anagramme des vampires. Ça sera le titre d'un film d'Olivier Assayas, d'ailleurs, qui rend hommage à Feuillade dans votre livre, dans les documents annexes de la collection Découverte. Donc c'est tout de même une magnification de la femme. Il avait d'ailleurs même tourné des péplums, l'un qui s'appelait Orgie romaine. Donc il y a un érotisme de Feuillade. Oui, enfin, pour ce qui est de la femme, c'est justement quelque chose de... Fantômas s'arrête à la guerre. Feuillade fait des films comme il en faisait avant. Quand il a une crise cardiaque au front, il est réformé, il rentre à Paris, et là, comme il y a le succès énorme des Perlouettes, Gaumont lui demande au fond de faire quelque chose. Donc il faut que l'héroïne soit féminine, c'est certain. Et il décide de faire le contrepoint, de prendre le contre-pied de Perlouette, c'est-à-dire l'une est une héroïne très sympathique, blonde, et puis il fiche en scène une femme d'une grande perversité, brune, qui mène une vie de bâton de chaise, et qui vraiment... Bon. Mais ça répond aussi à des choses un petit peu pratiques, c'est-à-dire que les acteurs hommes, on ne pouvait pas compter sur eux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il en tue comme ça régulièrement, parce qu'ils doivent partir à l'armée, ils ont une permission, puis ils partent. Tandis qu'une femme, on peut être sûr de la garder de bout en bout. C'est-à-dire que Usidora assure la continuité totale, alors que peut-être, dans un autre contexte, ça aurait été plus partagé entre hommes et femmes. Alors, pour terminer, bon, après ces grands sérioles criminels, il va tourner quelques mélos, également en feuilleton, mmh. dont Les Deux Gamines, dont je rappelle aux auditeurs qu'il sera programmé demain à la Cinémathèque française de Bercy. Mais il meurt en 1925, à 52 ans, donc jeune encore, d'une péritonite. Donc on ne sait pas quel aurait été évidemment l'avenir artistique de Feuillade. Et aurait-il connu le déclin d'un Griffith ou au contraire, avec Le Parlant peut-être même, enfin tout ça. Mais par contre, il y a une postérité de Feuillade importante. J'ai cité Fritz Lang, mais on pourrait en citer d'autres. Je pense à Prévert, d'ailleurs vous le mentionnez dans votre livre, Patrice Gauthier, le Prévert du réalisme poétique, même teinté de fantastique. Aujourd'hui, quelqu'un comme Jacques Rivette reprend le thème du complot, etc., chez Raffeuillade. Et puis Franju, évidemment, qui a fait un Judex, qui est un hommage direct. Franju, qui était proche des surréalistes, d'ailleurs, Alain Masson. Oui, je souscris à cette liste. On peut ajouter des noms, en particulier celui d'Alain Resnais, qui est un grand admirateur de Feuillade, et dont le travail sur une image comme ça, à la fois fondée sur le réel, contenant matériellement des choses, enfin, et en même temps totalement rêveuse et étrange, doit beaucoup, incontestablement, au travail de Louis Feuillade. Patrice Gauthier. Quelle postérité vous voyez ? C'est évident que la postérité, elle est pour l'instant marquée par le surréalisme. C'est par donc cette part de mystère, d'invention, de travestissement, d'exaltation du mal, même si il y a des intentions morales, mais enfin elles sont. Mais il y a aussi quand on redécouvre vraiment ses mélodrames. C'est beau. C'est-à-dire qu'il a une façon de traiter le mélodrame qui est, au fond, très moderne. C'est-à-dire que, sans arrêt, le mélodrame est cassé par le sourire et le rire. C'est-à-dire que les personnages sont toujours... ils pourraient être toujours, parce que de temps en temps, ils lèvent les yeux au ciel, ils pleurent. Mais en fait, toujours, il a cet art d'amener... toujours un peu d'humour, un peu de poésie. Le personnage de... Il y a une enfant qui est une comédienne extraordinaire, Bouboule, qui est des mélos. C'est formidable comme il dirige. Et on parle beaucoup de sa façon de diriger, c'est-à-dire qu'il il donnait des directions qui étaient celles de jeu. Et ensuite, il laissait les enfants... s'exprimer, c'est-à-dire qu'il ne disait jamais tu vas faire ça, tu vas faire ça, mais il disait y a ta gouvernante qui t'a privé de dessert, alors tu vas te venger, et puis le comédien enfant, enfin il en a eu plusieurs, hein, il y a eu Bébé, Boudzan, il y a des moments formidables, mais dans les mélodrames c'est Bouboule, elle est vraiment extraordinaire, elle est extraordinaire. Pour donner d'ailleurs une idée, pour terminer, de la fécondité de Feuillade, il a tourné 77 films de la série Bébé et 60 films de la série Boudzan. Information évidemment que j'ai tirée de votre très bon livre Louis Feuillade, maître du cinéma populaire, chez Découverte Gallimard. C'était Projection privée par Michel Simon, qui recevait le 18 mars 2006 Patrice Gauthier et Alain Masson pour leur livre Louis Feuillade, maître du cinéma populaire, Découverte Gallimard. Réalisation Pierrette Perronneau.